vouloir t'aimer, rempli d'incertitude, et qu'entre mes mains brûlent des pleines pages de mon passé. Vouloir t'aimer, souffler sur la poussière et voir qu'à ma frontière tes mains cherchent à me toucher. Je dois trouver ma route, agir toute seule, même dans le doute, pour ne plus jamais, jamais y retourner. Aimer si fort, partager nos ombres et presque s'y confondre, tellement le sort en est jeté. Mais s'aimer d'abord, apprendre la confiance, pardonner à l'avance, car c'est à moi de changer. Je dois trouver ma route, agir toute seule, même dans le doute, pour ne plus jamais, jamais y retourner. Et là, dans le désert, conscience, dans un éclair, dans cette lumière, me racheter. Je t'aimerai, même quand viendra l'usure de nos deux corps matures. Moi, je t'aimerai. Viendra l'usure, nos deux corps matures, moi je t'aimerai.